Bize ağla bizi bavar cisne. Hola. L'artiste est chaud ça. On est dans le champ, on fait beaucoup d'affaires. Hey. Minuit nous trouve, la maison nous rappelle. Hey. D'ailleurs c'est chaud, mais bon y'a rien à faire. Hey. J'suis toujours à pied, c'est ça être terre à terre. Hey. Pas le droit d'avoir d'émotion. On nous signe pas dans ta classe, si dans les fosses. Tu négocies le thé, on sait que t'as pas la caution. On va voir clair les dents pour une visite 30 dans le brusque. Hey. Hey. Pas le mal. Balance, on connaît bien nos traits. Bientôt, dans le palace, décroche aucun appel. J'vis ma best life, cherche pas le prix Nobel. Chérie, coco, c'est le bara qui m'appelle. Hein. La vie c'est art, la vie c'est pas Walt Disney. Comme on a faim, on parle toujours de business. Wow, t'inquiète pas ma belle, on se reposera après. Décroche aucun appel. Hein. La vie c'est art, la vie c'est pas Walt Disney. Comme on a faim, on parle toujours de business. Wow, t'inquiète pas ma belle, on se reposera après. Décroche aucun appel. Et nous si en mission, fais attention fiston. Héritage ambition, que du dossier pas de piston. On a fait le pari, et peu importe ce qui arrive. On veut tout le liquide, nous on veut remplir le baril. On fait ça pour tournement, tant que God nous plaît c'est bon. Tes promesses sont comme de l'eau, ici on pèse de l'or pas les mots. Faut sortir le fer, mes mangos sont prêts à le faire. C'était gâté avant qu'on naisse, depuis personne on fait la guerre. Pas le mal, balance, on connaît bien nos traites. Bientôt, dans le palace, décroche aucun appel. J'vis ma best life, cherche pas le prix Nobel. Chérie, coco, c'est le bara qui m'appelle. Hein. La vie c'est art, la vie c'est pas Walt Disney. Comme on a faim, on parle toujours de business. Wow, t'inquiète pas ma belle, on se reposera après. Décroche aucun appel. Hein. La vie c'est art, la vie c'est pas Walt Disney. Comme on a faim, on parle toujours de business. Wow, t'inquiète pas ma belle, on se reposera après. Décroche aucun appel. La vie c'est art, la vie c'est pas Walt Disney.